comme ça, c'est la vie. Ton poteau, ta pouca, m'appelle pas mon frérot, t'étais comme un frangin. Fichu, fichier, en rêve d'abifage, zéro fraîche dans les poches, pas qu'un y tourne la page. J'espère que t'as pigé mon neveu à 3 piges, ben des roses, la pec. Ton poteau veut ta part, dis-moi qui veut ma perte, que je rigole à la barre, que je me fasse le baron, car c'est moi le bourreau. C'est comme ça, c'est la vie. Ton poteau, ta pouca, m'appelle pas mon frérot, t'étais comme un frangin. Fichu, fichier, en rêve d'abifage, zéro fraîche dans les poches, pas qu'un y tourne la page. J'espère que t'as pigé mon neveu à 3 piges, ben des roses, la pec. Ton poteau veut ta part, dis-moi qui veut ma perte, que je rigole à la barre, que je me fasse le baron, car c'est moi le bourreau. Flash de popo et mes pipi pédi. Mini du mini à la bouche, un pétard, ça y est gros, je suis parti. Les poucaves sont partout, ton poteau me perturbe. Il manie trop la pure, ce connard n'a pas peur. Pancani à papier, faut pas toucher sa part du placard. Au papard, il est toujours poli. Tranquille sous sa polaire, il tire sur ta pelouse, t'as beau crier puné. Leur un chelu pénouse et tes potos pinaille sur le prix du punon. Momo met des pilules et le réveil de poudlard, j'ai fini en cellule. Pas de parler la semaine, le jet c'est du ciment. La cité, les sirènes, les menottes, ça arrive. Y'a plus de potes serrés, les pulls, la battura, la fleurie, t'as un rôle. Avant c'était la guine, j'étais seul et sanguin, donc Momo prend les gants. C'est comme ça, c'est la vie, ton poteau, ta poucave, m'appelle pas mon frérot, t'étais comme un frangin. Fichu, fichier, en rêve d'abifage, zéro fraîche dans les poches, pas qu'un y tourne la page. J'espère que t'as pigé mon neveu à 3 piges, ben des roses, la pec. Ton poteau veut ta part, dis-moi qui veut ma perte, que je rigole à la barre, que je me fasse le baron, car c'est moi le bourreau. C'est comme ça, c'est la vie, ton poteau, ta poucave, m'appelle pas mon frérot, t'étais comme un frangin. Fichu, fichier, en rêve d'abifage, zéro fraîche dans les poches, pas qu'un y tourne la page. J'espère que t'as pigé mon neveu à 3 piges, ben des roses, la pec. Ton poteau veut ta part, dis-moi qui veut ma perte, que je rigole à la barre, que je me fasse le baron, car c'est moi le bourreau. La vie dure, Pancani, la cavale Bendero. Luna Luna, elle est forte, elle est pote. Snow une pépite et tout son pet pote. C'est pas ta faute, non, la squat, t'es tout seul. L'affaire est scellée en cellule, c'est salé. Si seulement tu savais, le placard c'est salaud. Les matons c'est salope, la promenade sous la pluie. Un joint et tu plaintes, c'est une planète à part. Pour le plata plata, ça mitraille sous la pluie. Midi et minuit, la musique tu connais. Les blessés connards, pour un, je te conne. Le colon à la haine, là le film t'as compris. Tout ça c'est connu, c'est pas des conneries, c'est que le dernier chapitre. T'auras pas Pancani, piqué par personne. Hyper si ça percé au charbon, ça ponce pas et la coffre des pièces. Poussé par personne, la squat du perso. Le passé l'a marqué, ça marqué c'est Luna. Mais Luna se mérite, elle s'en fout du marais que j'ai coulé. Du marron, c'est ses yeux, mon miroir. Chacun la déçoit pas, gros. La seule qui était là, j'avais même plus de télé. J'avais pas un talon, mais elle m'a dit t'as un talent. Tu m'entends, tu m'étonnes. Toi t'es pas un mytho sur le terrain, tu m'étrases. C'est comme ça, c'est la vie. Ton poteau, ta pouca, m'appelle pas mon frérot, t'étais comme un frangin. Fichu, fichier, en rêve d'abifage, zéro fraîche dans les poches, pas qu'un y tourne la page. J'espère que t'as pigé mon neveu à 3 piges, ben des roses, la pec. Ton poteau veut ta part, dis-moi qui veut ma perte, que je rigole à la barre, que je me fasse le baron, car c'est moi le bourreau. C'est comme ça, c'est la vie. Ton poteau, ta pouca, m'appelle pas mon frérot, t'étais comme un frangin. Fichu, fichier, en rêve d'abifage, zéro fraîche dans les poches, pas qu'un y tourne la page. J'espère que t'as pigé mon neveu à 3 piges, ben des roses, la pec. Ton poteau veut ta part, dis-moi qui veut ma perte, que je rigole à la barre, que je me fasse le baron, car c'est moi le bourreau. T'attends pas la mi-temps, tu connais le mitard à 6h le matin, ben des roses, le mental beaucoup de veines marteau, les paroles mirador, pas de mandat, ça c'est dur, zéro pote, c'est-à-dire c'est la rue et j'adhère. Zéro pote, c'est-à-dire c'est la rue et j'adhère. La squale, la squale.